Merci, chers auditeurs de la radio Isanganiro, de rester fidèles à votre station. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Les habitants du quartier Tenga, nous sommes dans la zone urbanisée de la commune Mutimbuzi, évoquent le manque d'eau potable. L'eau de robinet est disponible une fois la semaine au moment où les conduits d'eau passent dans leur quartier. C'est un reportage à suivre dans cette édition. Le parti Sawanya Frodebu salue l'étape déjà franchie en matière de démocratie au Burundi. Quant aux scissions qui s'observent au sein des formations politiques, le président du parti Frodebu trouve normal à condition de respecter les principes de la démocratie. À Karoussi, c'est l'électrification de 24 centres de santé. L'administration provinciale trouve que cela va améliorer les prestations à ces structures de soins de santé. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, le manque criant d'eau potable s'observe dans le quartier Tenga de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Ses habitants indiquent qu'ils peuvent avoir de l'eau ne fût-ce qu'une fois la semaine. Ses habitants craignent des maladies de mains sales. Ils demandent cependant à la direction générale de la régie des eaux de connecter leur quartier sur le conduit d'eau provenant de Rugazi en province Bubanza qui alimente le quartier Charama se trouvant au nord de la capitale économique Bujumbura. Reportage signé Evariste Ndikobanyang. Nous sommes au quartier Tenga, où la population de la place fait face à une pénurie d'eau depuis plusieurs jours. Ils s'indignent contre la régie de distribution de l'eau et de l'électricité régie des eaux, arguant qu'elle ne s'acquitte pas à sa mission. Des citoyens rencontrés sur les lieux ont révélé qu'ils peuvent s'en apercevoir, ne fût-ce qu'une seule fois la semaine. Les femmes de Tenga, que la radio-télévision Isanganiro a trouvées près d'une fontaine publique en attente de l'eau, ont indiqué que sa disponibilité peut durer une poignée de secondes. Les habitants de Tenga disent avoir peur d'attraper des maladies de mains sales suite aux mauvaises conditions d'hygiène à cause de la pénurie d'eau de la régie des eaux. C'est au moment où ils ont érigé des maisons modernes dans ce quartier de la zone Rubirizi, des maisons avec douches et toilettes à l'intérieur, nécessitant de l'eau en quantité suffisante. Pour avoir de l'eau dans la localité de Tenga, les résidents indiquent qu'ils doivent faire des longs trajets et doivent se rabattre au taxi-vélo et l'eau coûte énormément cher. Des conducteurs de taxi-vélo rencontrés sur les lieux ont dit qu'ils doivent parcourir plus de 10 km pour avoir cette denrée. Autre chose choque les habitants de Tenga, c'est le fait qu'un gros tuyau d'eau passe par Tenga pour alimenter le quartier Charama, situé au nord de la capitale économique Bujumbura, en provenance de Rugazi, en province Bubanza, sans laisser aucune goutte d'eau à Tenga, tout en demandant à la régie des eaux de se ressaisir. Les habitants de Tenga terminent en disant que la situation est ainsi au moment où ils sont toujours sensibilisés par les autorités de s'acquitter des taxes et impôts, tout en leur garantissant que ces taxes et impôts leur reviendront pour leur développement, mais que l'acte ne joint pas à la parole. Merci Evariste Ndikobanyanga. Restons dans la plaine de Limbo où les riziculteurs regroupés dans les coopératives œuvrant dans la commune Mutimbuzi en province Bujumbura et Gihanga de la province Bubanza demandent à l'industrie des fertilisants organominéraux FOMI de les mettre au courant des doses qu'il faut pour avoir de bons rendements agricoles. Lors d'une descente dans les champs de multiplication des semences, c'est ce jeudi, Cassien Kanyegeri, directeur agronomique au sein de FOMI, rassure que le bon usage des fertilisants organominéraux accompagné d'un bon suivi des champs donne de bonnes récoltes, n'est-ce pas Omer Ndouaï? La méconnaissance des doses de fertilisants organominéraux recommandés aux riziculteurs est un défi pour un bon rendement agricole. Ceux qui sont regroupés dans les coopératives Koribou de la colline Bugoma, commune Mutimbuzi, et ceux de Murimnyigiri Jambo, Evran, dans le village Nyeshanga V3 de Gihanga, demandent à FOMI de leur fournir les informations relatives au bon usage de ces intrants. Même point de vue de l'administration de la commune Mutimbuzi. Siméon Butoyi, administrateur communal, trouve la nécessité de multiplier les semences auxquelles des recherches ont été faites par FOMI pour que tous les riziculteurs en possèdent. Nous demandons à la société FOMI de continuer à la multiplication de ces variétés de riz pour que ces variétés puissent continuer à être produites de façon que, à la longue, tous les agriculteurs de la région puissent bénéficier de ces variétés afin d'augmenter la production nationale du riz. Au sein de l'industrie des fertilisants organominéraux, l'on encourage les riziculteurs de respecter les dosages recommandés afin d'avoir de bonnes récoltes. Cassien Kanyegeri est directeur agronomique chez FOMI. Les doses recommandées pour la culture des riz, il y a des engrais qu'on applique au moment du repiquage. On fait 45 kg de FOMI Imbura mélangé avec 60 kg de FOMI Totahaza par hectare. 3 semaines après le repiquage, vous appliquez l'engrais de couverture qui est Totahaza de 120 kg. 6 semaines après le piquage, vous appliquez encore une fois 120 kg de FOMI Totahaza par hectare. Un bon usage de ces fertilisants réserve le sort à la dégradation, ajoute son directeur. Merci Omer Ndouayo. L'échange d'expériences dans le secteur de santé entre l'armée burundaise et américaine aidera l'hôpital Muté de Kamenge à dispenser des soins de qualité lors des cérémonies de clôture d'un atelier d'échange d'expériences entre ces deux corps de défense et de ces deux pays. Ce vendredi, Dr Marc Nimburanira, directeur de l'hôpital Muté de Kamenge, fait savoir que cette structure de soins de santé fait face aux défis liés au manque de matériel médical. L'hôpital militaire de Kamenge est un des hôpitaux de référence nationale du Burundi qui a des ambitions de rayonner aussi bien sur le plan international en acquérissant plus de compétences techniques et matérielles. Cela nous permettra de donner des soins de qualité tels que prônés par notre devise. Cet exercice conjoint a permis d'une part pour les participants américains de pouvoir travailler dans des conditions difficiles, différentes de celles se trouvant en Amérique, et d'autre part, aux participants burundais, à travers les échanges faits, de voir comment, ailleurs, avec une logistique riche, on s'occupe des cas de chirurgie générale, vasculaire et orthopédique, des patients en milieu de soins intensifs et en gynéco-obstétrique. Vous, les participants à cet exercice, vous avez travaillé avec intérêt et côte à côte. Nous avons apprécié la rigueur dans la dispensation des soins aux patients, la ponctualité et la discipline exemplaire que vous avez manifestée. Nous vous demandons de garder à l'esprit les notions acquises lors de vos échanges et de les transmettre à profit à nos différentes armées qui sont appelés à être déployés partout dans le monde. Isanganiro. Politique à présent, le parti Sahwanya Frodebu apprécie le pas déjà franchi au Burundi dans le renforcement de la démocratie après 30 ans de la victoire de ce parti. Propos de Pierre Claver Nahimana, présent de cette formation politique. Ce parti dit être le promoteur de la démocratie au Burundi autour des années 90 et a dédié les mois de juin et juillet à la démocratie. Selon lui, le multipartisme est l'un des atouts de la démocratie. Il expliquait que la scission des partis politiques est une chose normale lorsque cela respecte les principes démocratiques. Au niveau des principes démocratiques, effectivement, après 30 ans, nous constatons qu'il y a un pas qui a été franchi. Il y a eu des hauts et des bas, mais au niveau des hauts, on voit très bien que tout le pays, même les institutions, ils ont accepté le principe de la démocratie. Vous allez trouver que dans notre constitution, actuellement, il y a beaucoup de principes qui définissent la démocratie d'un pays. Ces principes se trouvent actuellement dans la constitution. On va parler des élections démocratiques, on va parler des droits de l'homme, on va parler de la liberté de la presse, on va parler d'organisations de défense des droits de l'homme qui sont indépendantes, et bien des choses qui parlent de la démocratie. Et tout cela doit être appliqué au Burundi. Et c'est ce que nous faisons. Comme vous le constatez, il y a des élections multipartites au Burundi, régulièrement, après ces 30 ans. La scission au sein des partis politiques, ce n'est pas nécessairement ne pas maîtriser les principes démocratiques. Parce qu'un parti, lorsqu'il naît, c'est une très bonne chose. Il naît sur un projet de société. Mais après quelques années, dans tous les pays démocratiques, cela se passe au sein de ce parti, vous pouvez ne pas vous entendre sur les orientations qui se trouvent dans le projet de société. Ceux-ci disent, écoutez, non, au moment où nous sommes, il faut faire ceci, d'autres disent, il faut faire cela, et ça provoque effectivement des scissions. Si vous vous scindez, mais que vous continuez à prêcher la démocratie, que vous continuez à respecter les règles démocratiques, là, il n'y a aucun problème. C'est accepté en démocratie. Alors, si vous vous scindez dans la violence, cela, on ne peut pas dire que c'est démocratique. Ça veut dire que vous n'avez rien compris sur la démocratie. C'était Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahwanya Frodebu. Le manque de volonté de prévenir un génocide des taxes et le pouvoir en place de complicité. Les propos sont de l'ancien président burundais lors de la 10e Assemblée générale de la plateforme des autorités locales de la région des Grands Lacs ce jeudi. Sylvestre Nhuanungagna déclare que la paix ne pourra pas être atteinte par la voie de la guerre. Selon lui, le passé douloureux de la sous-région devrait être instructif pour les leaders actuels. C'est une région qui a été fortement marquée au cours des dernières décennies par des génocides et des crimes contre l'humanité. Il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Mais bien avant, en 1972, quand je lis des chercheurs et quand je me réfère même aux conclusions qui ont été données par une commission au niveau du Burundi, la commission Vérité et Réconciliation, il y a eu également un génocide des Hutus ici au Burundi en 1972. Il y a également des problèmes qui font d'ailleurs polémique aujourd'hui dans ce qui s'est passé au Congo et qui a été matérialisé à travers le rapport Mapping. Il y en a également qui concluent qu'il peut également et surtout les responsabilités au niveau des États de cette région. Si un génocide se produit alors que vous êtes en pouvoir en place et que vous n'avez pas marqué votre volonté et votre engagement à le conjurer, à l'empêcher, vous êtes aux moindres accusations en complice. Dans les génocides connus, ce n'était pas de la complicité, c'était de la responsabilité au premier chef. Le peuple est saint, c'est le leadership qui le souille. Les problèmes de la région des Grands Lacs ne se termineront pas par une guerre. Et il faut que tout le monde s'en convainque, les uns envers les autres. Normalement, ce passé douloureux par lequel cette région est passée devait être instructif et amener les uns et les autres à voir rapidement ce qui est nécessaire et urgent à faire. Santé à présent, 24 centres de santé de la province Karoussi vont bénéficier de l'électricité de la part du projet appelé Soleil Nyakiriza pour l'amélioration des prestations. Selon la coordination nationale de ce projet, même certains établissements scolaires seront bénéficiaires de cette électricité photovoltaïque. Lors d'une réunion de ce jeudi à l'intention des parties prenantes au chef-lieu de la province Karoussi, une réunion d'explication et de sensibilisation, la coordination de ce projet demande à tous les bénéficiaires de s'en approprier pour le développement de la population de Karoussi, n'est-ce pas, Blaise Pascal Kararoumi? Les 24 centres de santé qui vont bénéficier de l'alimentation de l'électricité photovoltaïque par le projet Soleil Nyakiriza ont été identifiés dans les deux districts sanitaires que compte la province sanitaire de Karoussi. Comme l'explique la coordination de ce projet, c'est un projet du gouvernement et qui s'inscrit dans la mise en œuvre du plan national de développement. Il a aussi informé que certains établissements scolaires vont aussi bénéficier du courant électrique dans la deuxième phase de l'exécution de ce projet et que cela améliorera les prestations de ces institutions publiques et de là et de surcroît le développement de la population de Karoussi. Tout cela a été dit ce jeudi lors d'un atelier d'information et de sensibilisation des parties prenantes pour leur engagement à la mise en œuvre des activités de ce projet et appropriation du nouveau cadre environnemental et social de la Banque mondiale qui finance ce projet, mais aussi de la législation nationale. Il signale qu'aussi la protection de la population quant au risque du matériel qui sera utilisé, et ce dernier demande aussi aux bénéficiaires de s'en approprier. Le gouverneur de Fort Nizigimana a affirmé que ce projet sera de grand intérêt pour la population de Karoussi et qu'il permettra le développement harmonieux. Il a demandé à tous les concernés, en citant entre autres les administrateurs communaux et les techniciens de santé qui sont dans les différentes communes, de s'approprier de ce projet depuis le début des activités jusqu'à la pérennisation des acquis. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararoumié. De Karoussi, Cap sur Kirundo, où les filles âgées entre 15 et 19 ans éprouvent beaucoup de difficultés, dont des grossesses non désirées, la contamination du VIH-Sida et d'autres maladies, comme l'a dit Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, dans un atelier de sensibilisation des jeunes élèves internes sur la santé sexuelle et reproductive. Elle interpelle les jeunes à se retenir pour préparer leur avenir. Et nous devons cet élément à notre correspondant Abraham Safari. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute, le programme continue sur Isanganiro.